voilà. Il n'y aura plus d'hiver. Si nouveau, je crois s'y tomber hier. Dans les villes, des ventes s'organisent, des montagnes de pulls. Dans les villes, des vagabonds se pressent et investissent. Et investissent dans la laine dévaluée. Alors voilà, il n'y aura plus d'hiver. Et pourquoi c'est plus rentable, on pense. Dans les villes, les gens s'endorment un peu sous un soleil de plomb. Dans les villes, des vagabonds se pressent et investissent toujours dans la laine.